comme on calcine un litre de gasoil ou de blé dans le cul des machines. Les fumées raffinées contiseront la marine. Spectre dans le cul, on peut se gratter le nez. C'est pourtant ce que font les aînés bandes de lâches. Avec des munitions qui te touchent et t'attachent. Ce sont ceux qui le disent, qui sont les premiers. Enfin faudrait-il qu'ils puissent en parler. Se voteront dans les moules et les frites pleines d'huile. Se noieront dans les soutes, le pétrolier infime. Les idées qu'on peut changer le monde. C'est avec un balai qu'on nettoie les décombres. C'est dans l'air des vivants qu'on érige les tombes de nos petits enfants qui laissent grandir cette ponde. À la de leur vie, des petits, des grands, des sales. Des bleus, des jaunes, des verts, des biodégradables. Des petits, des rouges, des noirs, des qui ne sont pas stables. Des phénomènes de foire, tout n'est pas consommable. À caresser la mort, on finit par l'aimer. On se grasse sur des corps putréfiés. Les poches de nos poches,